vaine victime. Mon bas a commencé, viens achever le crime. Frappe, Seigneur. Jouis de spectacle si doux. Ton roi meurt et sa mort va t'assurer l'empire. Que dis-je? Quoi l'ingrat échappe à mon courroux dans ce dernier effort? Perfide! J'ai plus longtemps de mourir en ces lieux.